Ah oui, tout à fait, oui, on s'en est débarrassé parce que ces gens-là, bon, quand y en a un, ça va, mais quand ils sont en groupe, c'est épouvantable, hein, il faut s'en débarrasser. Bon. Alors voilà. Bon. Merci beaucoup, monsieur l'abbé Fretard, hein, nous vous remercions pour cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder. Et nous retrouvons maintenant la délicieuse chronique de monsieur Jean Poutre, poète. Bonsoir. On constate de nos jours un peu partout, dans ce pauvre, ce vieux, ce superbe pays, que je chéris depuis toujours, à l'instar de mes parents, de ma mémé, de tout ce que mon sang comporte d'authentiquement, comment dirais-je, de viscéralement François. Hein? François, c'est beaucoup plus précis, hein? C'est plus profondément significatif. Aujourd'hui, vous dites je suis français, plus personne ne vous comprend, hein, évidemment, parce qu'on a fait de n'importe quoi des Français. Hein? Prenez des Chiliens, par exemple. Regardez, ces braves péonnes, là. On leur a offert un homme sublime, lumineux. Une volonté, vous comprenez? Une vision. Hein? Une rigueur programmatique fabuleuse, axée sur la richesse à tout prix. Hein. Tout le monde peut la saisir comme ça, dans ses mains, comme un fruit mûr, et la croquer, n'est-ce pas? Bon. On a mis à la disposition de ce peuple une armée superbe, sublime, énorme, hein, toute dévouée à son peuple, hein, qui a su construire des routes, des infrastructures, hein, qui a relevé ce pays d'une sorte de Moyen-Âge interminable dans lequel il se trouvait depuis de toute éternité. Hein, il faut quand même voir ça. Hein. Bon. Eh bien, il s'en est trouvé qui ne se plaisaient pas chez eux, hein, des géniards ou, je ne sais pas, des feignasses, hein, et qui sont venus là, hein, chez nous. Avec leurs bonnets péruviens et leurs flûtures de pan, là, de véritables briseurs de tympans, vous comprenez? Ces gens-là ne connaissent de la musique que le rayon perceuse de la quincaillerie sonore, n'est-ce pas? Bon, alors pourquoi en France, hein? Alors, il faut se remettre en contexte. À l'époque, hein, c'est Giscard, un homme de gauche, pour ainsi dire, hein, enfin, c'est tout comme. Bon, voilà. Alors, ces gens-là, cette frange du paysage politique, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Ce sont des aimants pour tout ce que ce monde comporte de libéral, d'amoral, de difforme, vous comprenez, de répugnant, d'insignifiant, au final. Mais enfin, je m'éloigne, je pars un petit peu trop vite. Ma tête est un puissant outil de digression et la bouche humaine est trop lente pour servir son cortex. Il faudrait 8 bouches pour tout restituer avec le bon rythme. Celui des pensées, n'est-ce pas? De la pensée. On constate, en France, en 2009, hein, c'est là, hein, c'est chez nous, c'est aujourd'hui. Hein, vous sortez là, du studio, vous faites un pas dans la rue, en bas, vous le voyez, vous le sentez même, à l'odeur. Des gens à qui on a donné le droit de voter, rendez-vous bien compte de cela, se disent anarchistes, nom de Dieu de merde. Ça merde alors. On avait déjà les bolcheviques, les dingos du couteau qui prennent les patrons en otage, les usagers en otage, ils prennent tout le monde en otage, quoi. Hein. C'est un petit peu une sorte de sport local, comme ça, inventé en Union soviétique, je ne sais pas, enfin, écoutez. Ils prennent tout le monde en otage. On avait aussi les islamo-soviétiques du PKK, là, ces arabes à cheveux plats. Hein, on nous a servi du rouge à toutes les sauces, enfin. Hein, la pire des piquettes, et maintenant quoi? Des sanars. La merde. Mais ça, je vais vous dire, ça, c'est dégueulasse. Ça, on fout encore des forissons, hein, des gens un peu sérieux. Et ben, on les fout en tôle. Ou alors, on les colle à l'amende. Mais ces salopards-là, les anards, ils se baladent, là, à 6 mètres de nous, en ce moment, là, de l'autre côté du mur. sûrement pieds nus d'ailleurs, ou avec des clébards dégueulasses et indisciplinés, qui chient contre les mairies. Eh oui, eh oui. Mais laissez-moi vous dire que ces gens-là, c'est une chienlit indécrottable. On s'en était débarrassé, hein, depuis la mort du vieux zoophile, là, l'ami des bêtes, hein, le vieux cochon chaud éructant, là, le ferré, là. Bon. Mais il se tairait, hein, c'est fumier, là. Des gens, mais ravachol, là. Des gens pires que tout ce qu'on peut imaginer, vous comprenez? Mon père, il a connu la terreur, hein, de se voir transformé en gaz de viande hachée par ces fous qui portent le noir de la faucheuse sur leur foulard crapoteux. Eh oui. Et une époque, c'était autre chose. Mais certaines personnes se souviennent. Dieu merci. Alors, ils étaient en dormance, bien sûr. C'était à prévoir. Ils chiaient sûrement dans des saquets de l'épicier, qu'ils balançaient sûrement dans tous les recoins de leur maison volée, leur scat ou je ne sais pas quoi, au milieu des fientes de leur clébard hirsute, là. Moi, je ne comprends pas ça. Les lois françoises ont protégé ces salauds-là depuis le juif Blum. Voilà, ça c'est dit. Eh oui. Avant, on ne faisait pas n'importe quoi, non. On ne laissait pas faire, hein, il y avait un petit peu d'ordre. Mais les gens ne pensent plus, ils se laissent envahir, vous savez, les gens sont des enfants, ils ne savent pas bien évaluer le danger. Mais c'est bien fini, ça. Ça vient là, on le sent. On commence à sentir que ça vient. Les enfants, ça peut grandir, vous comprenez? Ça peut comprendre. Moi, je leur explique. Et puis là, ce qui s'est passé depuis 2 ans, là, on sent que c'est bon, quoi. On sent que les rênes du beau cheval, le pur sang, là, ne traînent plus par terre dans un galop débridé. Vous comprenez? Eh oui. Il se passe quelque chose. On sent que le maître est en selle et puis qu'il a des éperons de titane et des couilles, des putains de couilles d'Hercule. Hein? À sa bosse, là. Les vacances, les congés payés, tout ça, toutes ces conneries, là, finies. Fertic ! Eh oui. Alors, on voit, oui, que ça bouge. Et alors, ces gens-là, les anarchistes, là, les punks à chiens, comme il dit, mon petit neveu, les mignons, croyez-moi, hein, ça va être le grand nettoyage. Hein. Si les Espagnols en veulent, moi, je leur donne. Mais ici, oula, ah non, non, non, on a les outils maintenant, c'est les reverrer, hein. Ces gens naissent comme ça, vous comprenez? Il faut le savoir, ça. Il y a des gènes. Certaines fibres d'ADN sont des désastres absolus, vous comprenez? Des séquences totalement désordonnées, hein. Un bordel innommable. Les déchets. Qu'est-ce que vous faites, vous? Vous voyez que vos œufs sentent le pourri, l'immangeable. Bon. Ben vous les jetez. Eh bien, on va ouvrir le vide ordure, nom de Dieu. Ce sera jouissif. Terminé, Brassens. Hein? Fini les foufous, là, avec leurs foulards, leurs yeux révulsés, là, la bave aux lèvres. Adieu! Enfin, adieu. Si Dieu veut bien accueillir la mère dans son sein, ce qui n'est pas gagné, vous en conviendrez. Bonsoir.